Bonjour à tous. Nous continuons notre enquête sur les habitudes des Français. Aujourd'hui, dans notre micro-trottoir, Frédéric et Stéphane. Frédéric a 40 ans. Elle est fonctionnaire. Stéphane a 45 ans. Il est médecin généraliste. Je travaille dans un bureau. J'ai des horaires fixes. 9h, midi et 14h, 17h. Le matin, je me lève vers 7h15 et je quitte la maison à 8h30. Je fais souvent une pause café au milieu de la matinée, vers 10h30. À midi, je déjeune à la cantine. Après le déjeuner, je travaille tout l'après-midi jusqu'à 17h. En général, je suis à la maison à 18h. Mon mari et moi, nous dînons toujours à 20h. Notre petite fille s'endort vers 21h. D'habitude, nous regardons un film. Tous les matins, je me lève tôt, vers 6h. Je cours ou je fais du vélo. Une demi-heure. Je prends une douche, je me brosse les dents, je m'habille, puis je prépare le petit déjeuner pour toute la famille. Ma femme se lève à 7h15 et les enfants à 7h30. En général, je dépose les enfants à l'école et j'arrive au travail à 9h. J'accueille mon premier patient à 9h15. Parfois, j'ai des patients à l'heure du déjeuner. Alors, je mange un sandwich. Je reçois mes patients jusqu'à 18h30. Je rentre à la maison et je dîne en famille. Le soir, je me couche vers 23h. Je ne regarde jamais la télé.